Et maintenant, voyage dans l'île de la Réunion. Bonjour Olivier Arasto. Bonjour, bonjour. Alors, quel temps fait-il en ce mois de février chez vous? Et là, il y a du soleil, de la pluie. C'est bien, il y a les deux. Ça chauffe, après ça refroidit avec la pluie, ça fait du bien. C'est vert, là. Ah bon? Oui, ça fait, là c'est bon, là c'est vert partout, là. Est-ce que vous connaissez l'Indonésie? Pas encore, non, on ne connaît pas encore. Mais pourtant, vous tournez dans le monde entier maintenant. Oui, bon, pas trop loin, cette année on va partir au Malaisie. En Malaisie, ouais. Ouais. Peut-être on fera un détour en Indonésie, on ne sait pas. Ce n'est pas fini encore de boucler les tournées, là. On va voir. Vous êtes le leader du groupe L'Indigo. C'est de la musique créole avec des racines et des ailes, liée au culte des ancêtres afro-malgaches, le Maloya. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le blues et complainte, une musique de résistance, puisqu'à la base c'était une musique d'esclaves, résistance face aux puissances coloniales. Et aujourd'hui, c'est devenu une musique identitaire pour les Réunionnais. Pourquoi? On se reconnaît là-dedans. C'est les cadeaux des ancêtres, en fait. C'est quand on joue du maloya, on ne peut pas expliquer. C'est le corps qui parle. C'est l'émotion, c'est l'âme qui parle. Et là, chaque Réunionnais, sa créole. Qu'elle soit de la Réunion, qu'elle ait un maloya, même il a vécu 20 ans, 30 ans ou 40 ans en dehors de la Réunion, ça le fait quelque chose, ça le parle. Eh ben, laissons justement les âmes nous parler. Un extrait de votre cinquième album et le groupe L'Indigo, vous existez depuis 1999, donc c'est un sacré chemin. Et maintenant que vous êtes un peu connu, on voudrait savoir ce que vous chantez, par exemple, dans cette chanson San Palto. Ça parle de quoi? San Palto, ça parle de c'est l'histoire d'un enfant qui recherche un peu ses origines. Mm-hmm. C'est des histoires qu'ils ont racontées ses grands-parents, les parents, la famille. Voilà, nos ancêtres sont venus par bateau, ils ne sont pas venus par avion, ils ne sont pas venus dans les airs, ils sont venus sur l'eau. Là, on essaie de raconter l'histoire de cette chanson. Est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui de parler des racines, de l'identité, quand on est réunionnais? Très, très, très important. Pourquoi? Mais ça amène le respect, ça enrichit l'âme, ça nourrit, ça nous rend riche. En soi-même, par rapport à la Réunion, bon, on est entouré de l'océan. Mmh. Là, on est un peu coupé du monde. Et les ancêtres, il faut connaître d'où on vient aussi, pour mieux connaître où on va. Et si on n'a pas l'ABC, la base, mais c'est dur après, c'est dur. Là, quand tu as la base, tu peux aller partout dans le monde, comme l'Indigo, il fait. L'Indigo, il voyage dans le monde partout. Par rapport à moi, la base, il est là. Tu vois, nos ancêtres, parce que c'était des esclaves. Tu vois, ils sont arrivés sans paletot, sans chemise, sans rien à la Réunion. Mais derrière, je les remercie par rapport. Ils étaient courageux, ils n'ont pas péri en mer. Ils sont venus jusqu'à la Réunion. Et là, nous, on est nés. Et moi, je remercie ça. Je remercie mes ancêtres pour ce beau cadeau, pour ce beau pays ici, pour ce super île. Tu vois. Et cette histoire-là, elle est connue de tous les jeunes réunionnais ou c'est quelque chose qui se transmet de famille en famille à travers, entre autres, la musique, le maloya? Ouais, surtout dans les familles, ouais. Ils racontent. Et après, bon... Si on est un peu fouillé, si on est un peu, voilà, viens me chercher, on bouquine, ou à l'école on apprend un peu, mais pas assez à mon goût. Tu vois, par rapport, il faut chercher. Mon nez, t'as soif, mais t'es qui? Moi, je suis rayonné, mais rayonné comment? Tu vois, il faut connaître un peu ses origines. Et souvent, c'est pas évident quand t'as des grands-parents. Ouais, ils te racontent un peu l'histoire, tu viens de Madagascar, de l'Afrique, d'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, ils te racontent un petit peu. Mais sinon, si dans cette famille, ben, on n'en parle pas. On n'en parle pas de ça. Et nous, à travers la musique, on essaie d'en parler de ça. Mais là, comme là, on est à la radio, mais ça fait plaisir de pouvoir parler de ça. Alors, voilà. On pourrait dire exactement la même chose de la Réunion. Nous, on a intitulé la série de notre semaine « L'Indonésie au centre de rien et au carrefour de tout ». Mais la Réunion aussi, au carrefour de tout, il y a plusieurs cultures, plusieurs histoires, plusieurs racines. Comment ça se passe entre tous les Réunionnais? Ben, ça, c'est une chance qu'on a chez nous. Ouais. Ça, des habitants petits, même quand on va à l'école, ben, y a de tout. Tu vois, trouver des Chinois, des Malbas, des Hindous de La Réunion, les Arabes, les Malgaches, les Comoriens. Tu vois, on vit avec, tout le monde y vit avec, c'est normal. C'est, voilà, lui, par exemple, lui, il mange pas de porc, lui, il mange. Tu vois, c'est normal, c'est pas monté du doigt, c'est pas classé comme divisé, quoi. Et c'est ça la chance, mais j'espère que ça va rester comme ça dans le futur. Tu vois, c'est vraiment, moi j'essaie d'amener ça dans mes messages aussi, tu vois. La Réunion United. Tu vois. Alors, d'après vous, pourquoi ça se passe bien dans l'île de la Réunion? C'est parce qu'on applique la laïcité ou parce que la fraternité est aussi une caractéristique de l'île? Déjà la fraternité, la solidarité aussi, c'est normal, c'est pas calculé, c'est pas... Allez, il faut être comme ça. Non, c'est comme ça d'origine, par rapport... Nous tous réunis, ben, les ancêtres, ils ont voyagé pour venir jusqu'à ici, à l'île de la Réunion. Donc voilà, pour moi, c'est normal, c'est une terre d'accueil. Donc tout le monde a son petit, tout le monde a sa place, sa petite place, en respectant son voisin, en respectant... Mais ça se mélange ou chacun vit dans sa communauté? Ça se mélange. Il y a des fêtes, ça se mélange. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés aussi. Tu vois, mais il y a la majorité, mais ça se mélange. Parce que quand tu fais un concert, tu vois de tout. Il y a des Chinois, il y a de tout. Il y a de tout dans notre concert. Et pour les métropolitains qui viennent s'installer dans l'île de la Réunion, ça se passe comment? Ben pour eux, ça se passe bien. Il y en a qui s'intègrent bien, il y en a qui ne s'intègrent pas du tout. Il y en a qui aiment, mais voilà, ils adoptent la Réunion. La Réunion, c'est comme ça. Soit c'est fait pour toi, soit c'est pas fait. Tu vois, donc il est ouvert comme nous, soit c'est difficile et voilà, tu peux pas rester. Et c'est quoi l'histoire de votre groupe, l'Indigo? Comment vous êtes lancé dans le Maloya et puis dans la formation musicale? Parce que ça reste une musique plutôt entraînante, plutôt moderne. Oui. Ben déjà, la musique de l'Indigo, ça remonte. Ben, bon, je viens d'une famille musicale. Mon frère était musicien. J'étais percussionniste. Ça m'a donné goût à la musique. Après, quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait le groupe avec Lauriane. On a fait le groupe avec mon frère. Et là, on a commencé à jouer dans les marchés forains, dans les marchés où on vend des poules, devant des brettes, des fruits, tout. On a joué dans les marchés, devant des magasins, jusqu'à temps qu'on a commencé à monter sur une scène. Et là, on a commencé à avoir un public. Et après, on a fait le premier 10 en 2004. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on y croit. Et là, c'est notre 5e album. Qu'est-ce que vous utilisez comme instrument de musique? On utilise le rouleur. Le rouleur, c'est une barrique de vin que les esclaves ont mis une peau de vache dessus. Ouais. C'est ça le cœur du maloya, c'est la base, l'instrument de base. Après, il y a le kayamb, celui qui fait tch-tch-tch-tch-tch. C'est les tiges de fleurs de canne et les graines de fleurs. Ça fait voyager, quoi. C'est ça. Après, il y a le bambou, qu'on appelle le piqueur, et le sati, c'est un bloc de métal. Quand dans les usines, il y avait des fers blancs, des boîtes d'huile, c'est avec ça qu'on fait le sati, le son, la tôle, le son métallique, là, c'est ça. Et après, il y a le bob. Au Brésil, on appelle ça le berimbau. À La Réunion, on appelle ça le bob. Et voilà, après, il y a la voix, après, il y a le cœur. Il y a ça avec. Et comment vous avez appris ces instruments de musique, à jouer de ces instruments de musique? Parce que vous avez quand même l'âge d'acheter plutôt une guitare électrique, une basse, ou vous installez un home studio pour faire de la musique avec l'ordinateur. Vous avez décidé de faire de la musique avec les instruments anciens. Pourquoi? Mais c'est un appel, en fait. Déjà, en tant petit, même, on prenait des boîtes de lait, des boîtes de lait, de la récupération. Ouais. On jouait des sons, on faisait les instruments, pour donner le même son. Comme le roulet était rare, très rare à La Réunion à cette époque, quand tu es petit, tu ne peux pas avoir un roulet à toi. Il faut que tu demandes à un ancien, s'il vous plaît, pour me prêter tout ça, mais c'est un rituel, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de rouleurs par rapport... Il y a beaucoup de jeunes qui fabriquent maintenant, qui se lancent dans la fabrication, mais avant, il y avait pas, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de rouleurs. Donc voilà, on récupérait tout ce qu'il y avait sur la main. Et voilà, moi j'ai choisi ça, en fait, ça me parle plus. Pourtant, j'aime jouer la batterie, j'aime jouer de la guitare, j'adore CD moderne, mais mon petit côté traditionnel, il faut qu'il est là. Pourquoi? Ça amène le côté, ben voilà, bon, Olivier, voilà. Ça, je me sens chez moi à La Réunion, dans mon petit village, je me sens comme ça quand j'ai mon instrument. Quand vous dites petit village, vous êtes où dans l'île de La Réunion? On est dans l'est de l'île, là où il y a la canne à sucre, il y a plus de la canne à sucre, la rivière, plus forêt, plus vert. Et bon, pas trop évolué, quoi. C'est vraiment côté agriculture. Et j'habite dans un quartier, il y a 40 maisons. Et voilà, il n'y a pas... Tout le monde est famille, c'est cousins, cousines, c'est la famille. Comme une petite tribu, quoi. Moi, je viens de là. Et quand j'ai ça, ben, c'est tout ça qui vient avec moi. Comme je viens en métropole, là, je suis sur Radio France Culture. Ben, c'est tout ça, c'est tout le petit village qui vient avec moi, Pagnandi. Ouais. Voilà. Et pour terminer, Olivier Arast, du groupe L'Indigo, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner chez vous? Au petit déjeuner, c'est souvent, bon, mon cas à moi, la plupart du réunion, c'est le riz chauffé. Le riz chauffé, c'est le carré de la veille. C'est le, ouais, manger, le manger de la veille. C'est, par exemple, si on a fait un carré de volaille, ouais, ben, s'il reste un peu de la marmite, le lendemain matin, on crase un petit peu de piment, on met le riz dedans, on mélange tout, et on fait réchauffer tout ça, et on mange ça pour un petit déjeuner. Là, chez moi, en tout cas, je fais ça tous les matins quand il y a le carré de la veille, quand il y a le manger de la veille. Sinon, c'est quoi? C'est comme tout le monde, un petit jus, une petite affaire, mais réchauffé. Et cela, qu'est-ce qu'on déguste comme plat dans cette chanson qu'on écoute? Là-dedans, la chanson qu'on écoute, là-dedans, il y a du riz. Du riz coco. Du riz au coco. Il y a du manioc, du patate, manioc frites, patate. Tu as le banane. Tu vois, il y a le zébi, bon, il y a tout ça, la viande de bœuf. Le bread manioc. Tu vois, les bread, c'est les feuilles de manioc. On cuisine ça aussi. Ah, ça, c'est manger gourmand, ça, c'est bon, ça. Wow. Et enfin, comment dire, l'autre jour est possible? Dans votre langue, un autre jour est possible? Un autre jour est possible, ben, de mettre en tonopé. Merci beaucoup d'être passé. Je vous recommande bien sûr le 5e album de L'Indigo. Millet, 5 millets, ça veut dire quoi déjà? Je suis ce que je suis. Voilà, et qui vous ont très bien. C'est le bon Maloya d'aujourd'hui. Et surtout, surveillez notre page sur France Culture consacrée au groupe L'Indigo. Si refont un concert pas loin de chez vous, et ben vous serez averti en temps et en heure. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr ou sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure pour le Réveil culturel, pour parler de l'Indonésie en première partie, en deuxième partie, de Barcelone. Je vous l'avais dit en début d'émission, cette semaine, on va beaucoup, beaucoup voyager. Bonne matinée, à demain.